L'Étoile du Lac, au cours des derniers jours, nous apprenait que le projet de développement au centre de ski de Toboski, ben, ça tarde beaucoup, là. Rappelons que c'est un projet quand même de 8 millions de dollars et on commence à s'impatienter beaucoup du côté du conseil des villes municipales et du conseil des villes de Saint-Félicien. En ligne, le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons. Bon après-midi, Monsieur Gibbons. Bon après-midi, tout le monde. Monsieur Gibbons, effectivement, c'est un projet de 8 millions. Vous dites que vous commencez à être impatient. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quand même eu, il y a quand même eu pour la COVID, là, ça a dû retarder pas mal d'affaires. OK, ben écoutez, on est impatient. Écoutez, on n'a pas eu encore de signaux négatifs ou positifs, mais vous comprendrez que pour nous, la ville de Saint-Vicien, c'est un projet extrêmement structurant. Il y a la saison hivernale arrive quand même à grands pas. Il faut se préparer. On a la remontée mécanique. Ben écoutez, il va falloir la travailler. Il va falloir soit la remplacer. Si c'est pas cet hiver, ça va être l'autre hiver. Pour avoir une nouvelle remontée mécanique, ben il faut aller en appel d'offres. Fait que, il y a quand même encore des délais. Pour nous aussi, le pavillon de construction d'accueil, là, le pavillon d'accueil, ben c'est important. Je pense qu'il y a, une mise à niveau à faire. Puis cet automne, ben on a un projet aussi de village alpin. Fait que, écoutez, moi j'ai tout simplement interpellé notre député, puis lui demander où est-ce qu'on était arrivé, où est-ce qu'on était rendu là-dedans. Puis on me dit oui, ça va bien, mais encore actuellement, j'ai pas de réponse positive. OK, donc vous n'avez pas eu de l'article que vous avez fait lundi, souvent c'est fait pour mettre de la pression sur les élus, il n'y a rien eu là-dessus. Il n'y a pas eu de nouvelles, rien. Non, il n'y a rien. Ben, écoutez, on met de la pression parce que nous, on est interpellés aussi au niveau de nos citoyens. Ouais. Nos citoyens, eux aussi, attendent là après ce projet-là. Donc, j'ai tout simplement transféré les états d'âme de mes citoyens à Mme Guilmette. OK. Est-ce que, mais c'est pas retardé quand même. Si ça peut se faire d'ici, l'annonce peut se faire d'ici 15 jours, 3 semaines, j'imagine. Ben écoutez, je peux pas vous répondre. Okay. Ça peut être un mois, 3 semaines, j'en ai aucune idée, là. Il y a pas de signaux qui me disent qu'on va avoir dans quelques semaines là une réponse à ça, là. Okay. J'attends toujours. Si on parlait maintenant, donc c'est un projet quand même d'envergure, oui. Donc c'est 6,5 millions, c'est pas mal d'argent dans ce secteur, là. Oui, c'est 8 point quelques millions, 8. Oui, mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, c'est aussi pour améliorer les pistes de vélo de montagne. On ouais. sait que chez nous, le vélo de montagne est très important. Le fat bike aussi est en remontée. On a des travaux à faire dans nos pistes, ce qui est de fond et tout ça. Fait que puis aussi, on a un garage, là, parce qu'on a beaucoup d'équipements de grande valeur. Fait que là, faut refaire le garage. Fait que le projet est vraiment de mise à niveau de tout notre centre de ski, puis on est rendu là. Heureusement qu'il n'y a pas eu de compétition, il n'y aura pas de compétition cette année. Ça vous donne une bonne chance. Oui, ben il n'y a pas de compétition, mais tu sais, le centre de ski est fermé actuellement. On invite tous les gens à venir faire du vélo de montagne, okay. Mais les gens ont pas la permission de rentrer dans notre centre de ski. Dans une autre idée, à Saint-Félicien, l'été comme ça, avec comment que ça va le sport à Saint-Félicien et le ben, déconfinement partout, écoutez, un peu partout? Ouais. Ouais, mais c'est ça, là, on voit que le déconfinement, là, ça commence à changer, là. Ouais. Donc, on peut penser que cet automne, là, les ligues de hockey et tout ça, je pense qu'on va reprendre où on était rendu l'an passé, là, mais j'ai bon espoir, là. Nous, écoutez, dans le tourisme, c'est sûr que les régates ont été cancellées. Ouais. Dommage. Après ça, on avait en même temps de cette fin de semaine-là, la ville de Saint-Vicien, avec le 24 de juin, ben on ouvrait vraiment la saison touristique au lac Saint-Jean avec les régates puis le western et tout ça, là, ouais. Dans ce country. Fait que puis notre feu d'artifice, fait qu'on trouve ça dommage, mais il y a quand même des activités. Le parc Sacré-Cœur va être ouvert. Ensuite de ça, la marina, c'est ouvert. Les camps de jour aussi pour nos jeunes, il n'y aura pas de problème. Mm. Et puis, on est en train de regarder aussi pour installer plus de bancs et de tables pour que ça soit plus accessible pour nos citoyens dans le centre-ville. Ben, Luc Gibbons, on va souhaiter évidemment que le dossier à Saint-Félicien débloque. Ça devrait se débloquer. C'est sûr que la COVID a peut-être ralenti beaucoup de choses. Il y a eu des annonces, mais j'imagine qu'il ne faut pas perdre espoir. faut pas perdre espoir. Puis j'en profite, si vous me permettez, oui, d'inviter toute la population à venir nous visiter à Saint-Vélicien, à venir au zoo, parce que le zoo est ouvert depuis quelques jours. Fait que c'est l'attrait touristique numéro un au Saint-Vélicien-Lac-Saint-Jean. Donc j'invite tout le monde à venir à Saint-Vélicien. Le maire de Saint-Vélicien, Luc